Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Deux personnes sont mortes dans différentes circonstances et à différents endroits ce dimanche, alors que 8 adultes et 10 enfants ont été grièvement blessés par la déflagration d'une grenade. Elle a été lancée dans un débit de boisson en zone urbaine de Buterere. On fera le point sur ces situations sécuritaires. Et des latrines se trouvant aux alentours du marché de Kinindo ont été fermées au grand désarroi de certaines personnes exerçant leurs activités dans cette localité. Et la production de poissons sur le lac Rweru a sensiblement augmenté, passant de 200 kg à 2 tonnes par jour grâce à la protection de ce lac par le projet de gestion environnementale du bassin du lac Victoria et l'introduction du fumage comme méthode de conservation. Reportage à suivre dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Le développement de ces titres, deux personnes sont mortes dans des circonstances différentes ce dimanche. Selon le porte-parole du ministère de la Sécurité, une personne a été tuée à l'aide des machettes sur la colline Ebusimba de la province Muramvya et une autre propriétaire d'un début de boisson de la zone Masaka en province Muyinga est morte après avoir reçu des coups de bâton de la part de celui qui venait de découvrir sa femme dans ce cabaret. Les présumés auteurs de ces meurtres ont été arrêtés selon Pierre Mourikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité publique. On fait le point avec Placide Niomongere. Selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique et gestion des catastrophes, vers 21h de ce soir, le nommé Habimana Pascal a frappé au niveau de la tête à l'aide d'un bâton le propriétaire du bistrot de la colline Kijumbura de la zone Masaka en commune Giterani, accusé d'entretenir des relations amoureuses avec sa femme qu'il venait de retrouver dans son cabaret. Selon Pierre Mourikiye, la victime a été évacuée vers un centre de santé avant de s'éteindre. Le présumé auteur de ce meurtre poursuit Pierre Mourikiye est gardé à vue pour enquête alors que la femme a été isolée pour sa protection. Selon encore Pierre Mourikiye, le porte-parole du ministère de la Sécurité, ce dimanche, un homme d'une quarantaine d'années a été tué à l'aide des machettes sur la colline Busimba, sous colline Gikinja. Alors que la police a été sur place vers 10h de ce dimanche, Pierre Mourikiye affirme que les présumés auteurs de ce meurtre, dont un directeur du lycée communal de Busimba et un cabaretier de la localité, ont été arrêtés et sont retenus, ajoute Pierre Mourikiye, par la police pour enquête. Et au sud du pays, dans la province de Bururi, 8 élèves du lycée Bururi et Etes Kigama ont été blessés au cours d'un accident de roulage d'une camionnette de type Dina du lycée Bururi vers 20h30. Selon Pierre Mourikiye, l'accident a eu lieu sur la route Matana Kigama Bururi dans la localité de la colline Rosina de la zone Gisalenda de la commune Matana, alors que la cause de cet accident n'a pas été communiquée. Les victimes, selon le porte-parole du ministère de la Sécurité, ont été évacuées vers l'hôpital de Matana. Placide Niomongere, 8 personnes, adultes et des enfants, ont été grièvement blessés la nuit de ce dimanche en zone urbaine de Buterere suite à l'explosion d'une grenade lancée dans un débit de boisson dont l'auteur n'a pas été identifié. Certains blessés rencontrés sur les lieux du drame et les habitants des environs demandent l'ouverture d'une enquête dans l'immédiat pour identifier les auteurs du crime. Ils demandent également la consolidation des comités mixtes de sécurité qui ne sont pas actuellement efficaces. Évariste Nzikobanyanga. Cet engin explosif est lancé au quartier Buterere 1, à la 9e avenue, près d'un débit de poissons d'un certain Égide Ndouayo, blessant grièvement 8 personnes, le propriétaire compris. L'auteur de cette explosion reste inconnu jusqu'à l'heure qu'il est. Certains blessés qui ont reçu les premiers soins dans la nuit de ce dimanche et qui sont rentrés chez eux relatent le déroulement des faits. Évangeline Ndaisenga est parmi les victimes. Nous étions assis devant ce bistrot. En premier lieu, nous avons entendu une légère explosion, mais nous sommes restés assis. À côté, il y a ceux qui étanchaient leur soif. Mais en deuxième lieu, une forte explosion a éclaté. Les éclats nous ont atteints et nous sommes tombés par terre. Moi, j'ai couché sur mon enfant. Après quelques secondes, je me suis levée, j'ai pris mon enfant et je courus vers l'intérieur de la maison. C'est par là que j'ai constaté que j'avais été grièvement blessée. On n'a pas identifié celui qui a lancé cette grenade. Le propriétaire de ce débit de Poisson faisant partie de l'effectif des blessés et président de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir en zone Buterere. Augustin Twagirayezu, qui préside cette ligue au quartier Buterere 1, cible de l'attaque de ce dimanche, donne une interprétation à cette explosion de grenades. C'est vraiment honteux de voir quelqu'un lancer une grenade parmi les gens qui partagent un verre. C'est vraiment un acte ignoble. On ne connaît pas l'objectif de l'auteur de cette explosion. Il faut que les enquêtes soient vite menées pour que les auteurs soient identifiés et punis. Les habitants de la place attaqués ce dimanche jettent le tort sur le fait que les comités mixtes de sécurité ne sont pas efficaces malgré leur mise en place. Ce jeune qui a requis l'anonymat demande que ces comités soient consolidés. On a entendu parler de la création de ces comités mixtes de sécurité, mais ici à Buterere, ces comités semblent ne pas exister. Veuillez demander aux autorités pourquoi ces comités ne fonctionnent pas pour sécuriser la population. Nous nous demandons que ces comités mixtes de sécurité soient redynamisés. Nous n'avons pas pu avoir l'avis du chef de zone Buterere à ce sujet. Son secrétaire nous a indiqué qu'il était en réunion. Évariste Nzikobanyana et des latrines se trouvant aux alentours du marché de Kinindo, c'est à mairie de Bujumbura, ont été fermées au grand désarroi de certaines personnes exerçant leurs activités dans cette localité. Ces personnes disent avoir du mal à trouver un endroit favorable pour se soulager. Ils affirment qu'il y en a qui font leurs besoins n'importe où, raison pour laquelle ils s'inquiètent pour leur santé et demandent aux autorités habilitées de rouvrir ces latrines. Vestine Botoy. Ces latrines déjà fermées sont derrière le marché Kinindo. Le premier bâtiment dans lequel se trouvent 4 sanitaires et 4 douches est situé en face des bistrots, devant la microfinance Kazoza Finance. L'autre bâtiment, dans lequel se trouvent 3 sanitaires et 3 douches, est situé sur la même ligne que cette microfinance, devant les vendeurs des meubles. Certaines personnes exerçant leurs activités dans cette localité disent qu'ils ont du mal à trouver l'endroit favorable pour se soulager. Et quand ils ont pris de la bière, ils affirme qu'ils se servent d'un caniveau qui est là comme lieu d'aisance. Si c'est une femme qui a besoin de se soulager et que le marché a déjà fermé ses portes, cette femme ne cherche qu'à se cacher le visage et puis faire ses besoins là où elle trouve l'opportunité. Ces personnes pensent que la cherté des latrines se trouvant en l'intérieur de ce marché d'Okinindo pourrait être la cause de la fermeture de ces dernières, car elles expliquent qu'on paie 200 francs bout quand on entre dans ces latrines se trouvant à l'intérieur de ce marché contre 100 francs bout pour celles qui sont aux alentours de celui-ci. De son côté, Jean-Paul Naonvou, qui est commissaire de ce marché, précise que ces latrines sont fermées sous l'ordre du maire de la ville. Il ajoute que le propriétaire de ces latrines n'avait pas son autorisation. Ces personnes demandent aux autorités habilitées de rouvrir ces latrines qui ont été fermées depuis le 3 de ce mois de janvier. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Certains militants de différentes formations politiques en commune Burambi de la province Rumonge affirment cohabiter pacifiquement, même si parfois il y a des accrochages entre eux. Ils demandent l'égalité des droits politiques et la sensibilisation pour expliquer que la différence politique ne constitue pas un problème. Suivez ce micro-baladeur de la rédaction Isanganilo. Ici à Burambi, nous cohabitons pacifiquement avec les militants des autres formations politiques, même si elles ne sont pas nombreuses. Même pour leur réunion, elles se tiennent librement après avoir demandé l'autorisation. Personne n'a été malmené. Au fait, le pays est construit par les siens. S'ils font partie des autres formations politiques, cela ne pose pas problème. Ils se mettent ensemble dans leurs différences politiques pour parler de la situation politique, pour lever toute suspicion. On demande aux responsables des partis politiques de sensibiliser leurs militants que l'appartenance politique variée ne constitue pas un problème. La cohabitation est pacifique. Seulement parfois, on est privé de la tenue de réunion, mais il n'y a pas beaucoup de cas d'intolérance politique. Concernant les réunions, on ne le tient pas. Les maltraitements arrivent souvent où les membres d'autres partis sont malmenés, si vous voulez, mais ça trouve solution, mais c'est rare. Parfois, lorsque la victime saisit l'administration quotidiens, cela trouve solution. Nous demandons qu'ils nous laissent travailler librement dans la tranquillité comme les autres. Chez nous, à Burambi, sur 21 collines, nous cohabitons pacifiquement. Nous nous associons avec nos voisins dans différentes cérémonies. Il n'y a pas de problème à Burambi. Ça s'est manifesté dans le passé, mais on ne parle plus de malentendus entre les militants de différents partis politiques. Nous demandons que les responsables nous rendent visite pour leur adresser nos problèmes comme les routes et les écoles. Quand nous arrivons au bistrot où il y a des malentendus politiques, nous intervenons à leur demandant de l'arrêter et ils acceptent notre demande. Et l'administration communale de Burambi nie la perturbation des activités politiques dans cette commune. Rémi Sabimana, conseiller administratif et social de l'administrateur de la commune de Burambi, demande plutôt aux formations politiques de respecter les lois nationales. Il affirme que les partis politiques dans cette commune sont à lèvres. Suivez-le, il s'entretient avec Linibel Nibikira. Ici, en commune de Burambi, nous observons l'existence de différents partis politiques. Leurs membres des partis respectifs et aussi cohabitent pacifiquement. Il n'y a pas de problème quant aux différentes formations politiques. Ceux qui disent que l'administration perturbe souvent les réunions de certains partis politiques. Je ne serais pas d'accord parce qu'il y a vraiment ceux qui se manifestent régulièrement sur le terrain, surtout pour question de tenir les réunions, et d'autres qui tiennent les réunions vraiment pas régulièrement. Si ceux qui disent qu'ils ne sont pas autorisés ou bien qu'ils sont perturbés au niveau de leur réunion, je dirais vraiment que c'est pas bon. Bon, sauf ceux qui peut-être prétendent organiser les réunions sans une autorisation préalable pour dire que s'ils ne sont pas autorisés par la loi, ils ne manqueraient pas à se lamenter qu'ils ne sont pas facilités dans le travail de tenir les réunions. Il n'y a pas de réunions qui sont perturbées? Non, à part un cas qui s'est introduit sur une des collines de la zone Morago il y a quelques mois où on a pu entendre qu'il y a une réunion qui s'est tenue dans les heures de la nuit. Et comme ça, c'est une réunion qui se tient pendant la nuit, vous entendrez très bien que ce n'est pas une réunion qui est autorisée par la loi. Un parti politique demande de tenir une réunion dans la voie légale. C'est une lettre qu'on transmet, une lettre pas de demande d'autorisation, mais d'information. Et d'ailleurs, pour question de vous garantir, on leur donne la salle gratuitement. Il n'y a pas de problème. Quant à l'administration communale, il y a des séances que nous organisons à l'intention de différentes organisations. Les échéances de 2020 approchent. Qu'est-ce que vous vous engagez à faire en tant qu'administration communale pour que cette cohabitation pacifique reste? Nous avons déjà commencé cette au niveau de l'encadrement, le grillé de la population, la campagne électorale se déroule en bonne et due forme et aussi nous devons être de près pour quand même un bon encadrement socio-politique. Également dans l'actualité, les drapeaux nationaux manquent dans plus de 8 écoles de la commune Gitega. Certains directeurs font savoir que l'argent pour les acheter est disponible, mais au ministère de l'Intérieur, on leur dit de revenir sans donner de rendez-vous. Les parents d'élèves trouvent que c'est honteux de voir leurs enfants chanter l'hymne national en l'absence du drapeau. Arthur Kawabushi, correspondance. Ce manque criant des symboles comme le drapeau national s'observe dans les écoles de la commune Gitega, tant dans la zone urbaine que dans la zone rurale. Ce n'est à l'école Moussinzira, à l'école technique Kwibuka, à l'école fondamentale Rubanzi, à l'école fondamentale Kiliba, à l'école fondamentale Gasunu, à l'école fondamentale Kibande, à l'école fondamentale Murehe, à l'école fondamentale Rubarasi, ainsi que dans plusieurs autres écoles, il n'y a pas de drapeau. Dans ces écoles, chaque matin, avant de commencer les cours, les élèves et les enseignants se rassemblent à la place où il y a l'arbre sur lequel le drapeau est suspendu, où les élèves entonnent l'hymne national en l'absence du drapeau. Certains directeurs contactés font savoir qu'ils ont déjà payé les 50 000 francs d'achat du drapeau à la Banque de la République du Burundi et qu'au ministère de l'Intérieur, où ils doivent les récupérer, ils leur disent de revenir sans pour autant donner un rendez-vous précis. Ce qui fait qu'ils observent ce manque de drapeaux dans les écoles. Les parents d'élèves trouvent que c'est honteux de voir leurs enfants chanter l'hymne national en l'absence du drapeau et demandent à qui de droit d'en faire la priorité. Arthur Kawabushi, Gitega, Radio Isanganilo. Merci Arthur Kawabushi. Les petites et moyennes entreprises jouent un grand rôle dans le développement du pays, surtout dans le secteur formel. C'est ce qui a été dit ce lundi par le directeur de l'organisation Center for Development and Enterprises, Great Lakes. lors du lancement officiel du projet Bila Shoboka qui vise la promotion des petits et moyens entrepreneurs. Aimable Manirakiza appelle le gouvernement burundais à appuyer les petites et moyennes entreprises dans leur projet de développement. Suivez-le. Ce qui est possible pour notre campagne, c'est la réduction des barrières pour démarrer une nouvelle entreprise au Burundi. Nous croyons que les défis qui sont aujourd'hui pour de nombreux entrepreneurs au Burundi sont à réduire. Et ce qui est possible pour cette campagne, c'est aussi possible que les décideurs politiques ou bien les parties prenantes dans la réglementation pour l'entrepreneur au Burundi puissent comprendre la réduction ou bien les barrières qui tassent qu'on puisse réduire les différentes barrières dans la création d'une nouvelle entreprise au Burundi. Voilà ce qui est possible pour nous. Nous croyons que les entrepreneurs peuvent travailler légalement ici au Burundi et c'est possible qu'ils travaillent légalement dans d'autres pays, mais lorsqu'ils sont favorisés au niveau de la création d'une entreprise au Burundi. Ce qui est aussi possible avec cette campagne, c'est que les décideurs politiques sont appelés à réduire les différentes barrières et c'est aussi possible qu'ils réduisent ces barrières parce que nous croyons que la réduction de ça va aussi apporter un changement au niveau économique pour notre pays. C'est pourquoi nous disons que cette campagne vient au bon moment, parce qu'il est possible que les entreprises travaillent dans le secteur formel, mais aussi, c'est aussi possible que les décideurs politiques puissent favoriser un climat de faire des affaires qui est favorable au Burundi. Du sport, avant le reportage du jour qui nous parle de la production du poisson sur le lac Rweru, comme je vous l'ai annoncé dans le titre. L'équipe nationale de football et de moins de 20 ans part demain en Niger pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Jocelyn Bipoubousa, sélectionneur de cette équipe nationale, a indiqué qu'ils se sont bien préparés dans le but de remporter la victoire. Et c'était ce matin au cours d'une conférence de presse. L'objectif principal, c'est la préparation de l'équipe nationale U20. Qui va se rendre à Niamey pour la Coupe d'Afrique des Nations de U20. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire concernant la préparation parce que je peux dire que la préparation a été bonne. Les joueurs qu'on va amener au Niger sont en super forme. Il y a seulement ceux qui ont été blessés durant la préparation. Ils ont été remplacés. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est remporter la Coupe. On ne va pas là-bas seulement jouer. L'objectif, c'est de remporter la Coupe. Vous partez alors que ça reste plus de deux jours avant le démarrage du Dakar. J'aimerais savoir si les joueurs sont déjà habitués avec le climat de là-bas en Niger ou bien si le changement climatique ne sera pas un défi. Non, nos joueurs burundais sont habitués à toutes les conditions. S'il fait froid, s'il fait chaud, ils sont habitués. Même le match qu'on a joué contre le Soudan, on a battu le Soudan 2-0 chez eux alors qu'il faisait très chaud là-bas. L'importance appartient à toutes les équipes 8 qui sont qualifiées. Même le Burundi est très important. Dit que je me prépare en fonction de l'adversaire, non. Moi, je prépare seulement mon club. Je n'ai pas de temps après sur la troisième des matchs qu'il a joué. Je n'ai pas de message à lancer aux fans de l'équipe nationale. Le message que je peux leur donner, c'est de soutenir l'équipe nationale du début jusqu'à la fin. Mais leur promettre quelque chose, non. Nous avons fixé notre objectif, c'est aller plus loin possible, si c'est possible, remporter la CAN. Mais je peux pas promettre aux fans burundais que je vais amener la CAN ici. À la source, reportage. La production de poissons sur le lac Rweru est passée de 200 kg à 2 tonnes par jour grâce à la protection de ce lac par le projet de gestion environnementale du bassin du lac Victoria, phase 2. C'est le président de la coopérative des pêcheurs sur le lac du nord du pays qui le déclare. Mugawonihera Nestor, alias Kamoteri, fait savoir qu'une méthode de fumage de ce poisson est aujourd'hui pratiquée. Les pêcheurs sur ce lac réclament une formation ainsi qu'un matériel de pêche moderne. Et au niveau du Bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, l'on conseille à ces pêcheurs de se mettre ensemble et demander des crédits et aux partenaires de leur fournir des frigos. Le reporter d'aujourd'hui nous conduit en province du Kirundo Rweru et c'est Mireille Kanyang. Nous sommes dans les eaux du lac Rweru, côté commune Busoni de la province Kirundo, sur la plage de pêche de Mugongo en zone Nyagisozi. Sur les rives se trouvent des pêcheurs, à côté d'eux, spécieuse Namidende, une femme. Elle prépare le poisson revenant du lac. Elle est âgée. C'est un métier qui fait vivre les siens. Près de ces eaux du lac, une zone tampon bien protégée. Quittant les rives, nous nous dirigeons vers le centre de fumage d'une production qui a augmenté allant de 200 kg à 2 tonnes par jour grâce à la protection de la zone tampon par le projet environnemental du bassin du lac Victoria, l'IVEMP phase 2, nous dit Mugaboni Hiranestor alias Kamoteri, président de la coopérative des pêcheurs opérant sur le lac Rgweru. À cet endroit, nous y trouvons différentes sortes de poissons étalés prêts à être fumés, du tilapia, de l'inonzi et d'autres sortes de poissons ressemblant aux serpents genre anaconda. Cette méthode permet une vente aisée, nous dit Kamoteri. Nous faisons le fumage pour permettre leur conservation avant de les mettre sur le marché. Nous les séchons d'abord au soleil avant de les sécher ensuite par le feu à l'aide des fours. Nous les mettons enfin dans des cartons à destination de différents marchés à travers le pays. Les pêcheurs, eux aussi, disent qu'ils vivent grâce à ce métier. Munzima Natoma est l'un d'eux, il est père de 8 enfants. Il a pu s'acheter des terres, un troupeau de vaches, nous apprend-il. Selon le président des pêcheurs sur ce lac, des défis font défaut à leur métier. C'est notamment le manque de magasins équipés en matériaux de pêche modernes, des pêcheurs ont besoin de formation, un manque de latrines appropriées. Sur ce besoin de matériel de pêche, Leonidas Rivuzimana, directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, leur conseille de travailler avec les institutions de microfinance. Pour le moment, il y a une très bonne production de poissons. Je les sensibilise pour qu'ils forment une coopérative. C'est dans la coopérative où ils vont contribuer de l'argent. Ils vont ouvrir en compte aux microfinances. Comme ça, ils vont recevoir de l'argent, des crédits. Cette direction appelle les partenaires qui le peuvent à travailler avec ces pêcheurs en leur fournissant du matériel de conservation, tel les frigos, même si cela demande du courant électrique. Ainsi, la production augmentera davantage. Voilà, c'est sur ce reportage de Mireille Kanyang que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également, merci à toute l'équipe de la technique. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Passez un bon après-midi.